Aguila Voyage Photo, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis intéressée par le voyage à Madagascar en avril. Je voudrais des précisions sur le programme, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Que souhaitez-vous savoir exactement? Comment ça se passera? Alors, les trois premiers jours, vous découvrirez des paysages magnifiques entre Antananarivo et Antsirabe. Puis, vous naviguerez sur le fleuve Tsiribihina. Le fleuve comment? Le fleuve Tsiribihina. Vous vous arrêterez ensuite dans des villages pour rencontrer les populations locales. Super! Les quatre derniers jours, vous visiterez deux grands parcs pour photographier des animaux sauvages. Waouh! À la fin de la première semaine, vous assisterez au coucher de soleil. Vous dormirez au milieu des baobabs.